C'est un peu comme un jour qui tombe. C'est un peu comme dans une tombe. Une fin de partie, un game over. La dernière chanson qu'on connaît par cœur et qu'on murmure dans un dernier souffle. On n'a fait que ça toute la vie. Chanter un rêve fou auquel on n'a jamais vraiment cru. Vous dire adieu.